الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد الحمد لله الذي يسر لنا بيتا من بيوت الله لنتفقه في دين الله ولنتعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا من العقيدة السليمة الصحيحة المأخوذة من كتاب ربنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة نبدأ في قراءة كتاب عظيم لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Ce soir, nous sommes le huitième ou bien la huitième nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1435, ce qui correspond au jeudi 9 janvier de l'année 2014. Et nous allons commencer l'étude d'un grand livre. L'étude d'un livre qui concerne le sujet le plus important, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur, vous le connaissez tous, c'est Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulayman ibn Ali al-Tamimi rahimahullah ta'ala, qui est né en 1115 après l'Égypte et décédé en 1206 à Al-Uyayna. Après avoir révisé l'Usul al-Thalatha, étudié le Qa'ad al-Arba'a, les savants ont pour habitude de passer à l'étude de ce grand livre, dont le titre est Kitab al-Tawhid, alladhi wa haqqullahi ala al-abid, plus communément appelé Kitab al-Tawhid, le livre du Tawhid, de l'unicité. Et ce qui est voulu par l'unicité ici, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur dit, on commence ce livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بدأ المؤلف بالبسملة كعادة المصنفين لحكم كثيرة منها اقتداء بكتاب الله العزيز فما من سورة إلا وهي تبتدئ بالبسملة ما عدا سورة براءة التوبة وهكذا اتباعا لهدي سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يستفتح الرسائل بالبسملة كما ثبت ذلك في الصحيحين في حديث ابن عباس لما راسل هرقل وهكذا في حديث البراء لما يعني في عقد العقبة بدأ بالبسملة. L'auteur رحمه الله تعالى a commencé ce livre par la basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et cela pour plusieurs sagesses. Parmi celles-ci, pour prendre exemple sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dernier commence par la basmala. Et l'ensemble des sourates du Coran également, excepté la sourate numéro 9. Il commence par la basmala également pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans plusieurs hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par la basmala. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya une lettre à Hiraql. Et comme dans le hadith de Al-Bara radiallahu anhu, lors du pacte conclu entre les musulmans et Quraysh. Dans tous ses écrits, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à dicter la basmala, bismillahir rahmanir rahim. L'auteur commence par la basmala également pour rechercher l'aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce grand livre et ce grand prêche qu'il entreprend. Car le ba dans bismillah, les savants le nomment ba ou al-isti'ana, le ba de la demande d'aide. Il recherche à travers cela la bénédiction dans son œuvre. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et personne ne peut réussir dans ce qu'il entreprend si ce n'est avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala nous dit que c'est l'habitude des écrivains que de commencer par la basmala. Et l'imam al-Nawawi nous dit que c'est une sunnah. Donc lorsqu'une chose a une importance, on commence par la basmala, soit un contrat ou autre. Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. La plupart des versions du livre sont ainsi. C'est-à-dire qu'il y a la basmala, ensuite le titre, puis wa qawluhu ta'ala, wa qawlihi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Mais dans une nusra, dans une version, il y a ensuite Alhamdulillah wa usalli wa usallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Et le petit-fils de l'auteur, celui qui a écrit Fath al-Majid rahimahullah, nous dit qu'il a eu une version avec l'écriture du shir de l'auteur où il y avait en plus donc de la basmala Alhamdallah et ensuite la prière sur le prophète, ses suiveurs et ses compagnons. موضوع الكتاب كما يدل عليه العنوان التوحيد. الشيخ في هذا الكتاب يبين التوحيد الذي أوجبه الله على عباده الذي لأجله خلقه. الشيخ بين التوحيد بحده وبضده وبين ما ينافيه من الشرك الأكبر وبين منقصاته من الشرك الأصغر والبدع، فاتضح بهذا الكتاب كيف نحقق التوحيد أو كمال التوحيد الواجب والمستحب. لوتر دون سو ليفر رحمه الله تعالى nous enseigne التوحيد, l'unicité d'Allah تبارك وتعالى. C'est pourquoi, comme on le verra inshallah ta'ala, nous avons été créés. Il nous explique التوحيد, comment le concrétiser, comment le parfaire et avoir le meilleur degré dans cela. Mais il nous explique aussi son contraire afin de pouvoir nous en préserver. Il nous explique ce qu'est al-shirk, la partie qui annule l'islam de la personne et son unicité, et la partie qui diminue l'islam de la personne et l'unicité. Kitab masdaru kataba bima'na jama'a bima'na jama'a li jam'i al-huruf والكلمات. التوحيد مصدر وحد يوحد أي جعله واحدا أو اعتقد وحدانيته في شيء. وعدد أبواب الكتاب 60 بابا، قال آخرون أو عفوا 66 بابا، وقال آخرون بل 67 بابا، ومنشأ الخلاف على الاستفتاح، هل هو باب مستقل أم مقدمة. Donc l'auteur a réuni ce livre et l'a divisé en mada, en chapitres. Et il y a 66 chapitres, et d'autres parmi les savants disent 67 chapitres. Et cette divergence est due à l'introduction, du moins ce qu'ont jugé certains savants comme étant l'introduction du livre. Et d'autres ont dit non, c'est le premier chapitre. D'où la divergence. Certains disent 66 chapitres et d'autres disent 67 chapitres. Manhaj al-Ta'lif, la méthodologie entreprise par l'auteur dans ce livre. Les savants disent hadha kitabun badi'ul wad'a 'azimun naf'a. Les savants nous enseignent que ce livre a été écrit de la meilleure façon, d'une manière très sage, et qui nous montre minutieusement la profondeur de la science de l'auteur, rahimahullahu ta'ala. Dans ce livre, il a cité al-tawhid, les trois formes de tawhid, al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma, al-sifat qu'on détaillera, inshaAllah. Mais il s'est concentré bien plus sur Tawhid al-Uluhiyya pour plusieurs raisons, notamment que c'est le point dans lequel il y a le plus de manquements. Deuxièmement, les savants ont beaucoup écrit dans les deux autres parties du Tawhid. Dans les deux autres parties du Tawhid, il y a de nombreux ouvrages. Mais dans Tawhid al-Uluhiyya, personne n'avait écrit un livre comme celui-ci, ordonné comme le sien, traitant d'une manière aussi complète du Tawhid. Au point où les savants ont dit, personne n'avait écrit un livre comme le sien. Et on ne pense pas que quelqu'un viendra avec un livre meilleur que le sien par la suite. Et les savants de ce domaine, la science de la croyance et du tawhid, sont unanimes pour dire que c'est le meilleur livre qui a été écrit par un homme dans le domaine de Tawhid al-Uluhiyya. Dans son livre, il cite At-Tarjama, le titre, l'intitulé de son chapitre, puis il fait suivre cela de quelques versets, puis de quelques ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de paroles de athar, de textes des compagnons ou de pieux prédécesseurs. Après cela, il cite les masaïl, des points à tirer des textes cités dans ce chapitre. Il y a dans le livre plus de 500 hadiths, 520 hadiths. À peu près la moitié sont dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, ou dans l'un des deux. Et la plupart, si ce n'est l'ensemble, sont dans Kutub al-Sitta, dans les 6 bases de livres, de 6 recueils de ahadith. Il y a quelques ahadith qui ont été jugés faibles par les savants du hadith. Mais il n'y a pas de hadith mawdou' inventé, ni de hadith sur lequel l'ensemble des savants sont d'accord pour dire qu'il est faible. Et ces quelques hadiths qui sont faibles ont pour beaucoup d'entre eux d'autres hadiths qui viennent témoigner de la véracité des propos cités dans ce hadith. Ou ce qui est cité dans ce hadith est venu dans d'autres hadiths authentiques. Cela nous montre la science du cheikh dans le domaine du hadith. Car le cheikh avait de la science dans de nombreux domaines. Contrairement à ce qu'ont voulu prétendre ses détracteurs. Idhan, bismillahir rahmanir rahim, kitab al-tawhid. جرت عادة المصنفين في المؤلفات أن يضعوا بعد البسملة والحمدلة خطبة للكتاب يبينون فيها طريقتهم، طريقة التأليف ومرادهم من التأليف. وهنا نلاحظ أن المؤلف رحمه الله لم يسلك هذا المسلك، بل ذكر البسملة ثم الآية. On remarque que l'auteur rahimahullah a cité le basmala, puis directement le verset. Et l'habitude des savants et des écrivains et de mettre avant cela une introduction dans laquelle ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ce livre et leur méthodologie utilisée dans cet écrit, dans ce livre. Alors que l'auteur ici a dit directement wa qawlu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Pourquoi est-ce que l'auteur s'est comporté ainsi? Certains savants ont expliqué cela à l'image de Salih al-Sheikh, Hafizahullah Ta'ala, en disant هذا التوحيد الذي بينه الشيخ في هذا الكتاب هو توحيد الله سبحانه وتعالى ولا أحسن من كلام الله في بيان التوحيد. الشيخ صالح حفظه الله تعالى نجي التوحيد l'unicité que l'auteur va nous expliquer dans son livre est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de meilleure parole que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'y a pas plus à même pour nous expliquer at-tawhid, qui est le droit d'Allah, qu'Allah lui-même tabaraka wa ta'ala, dans sa meilleure parole qui est le Coran. Qui est le Coran. فالله بينه أتم البيان في القرآن فكان من الأدب في مقام التوحيد أن لا يجعل فاصلا بين التوحيد وأحسن ما يبينه وهو كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن. Donc l'auteur n'a pas voulu mettre d'espace entre le tawhid, qui est le droit d'Allah, et la parole d'Allah qui vient nous expliquer son tawhid. Donc il nous a cité directement la parole d'Allah Azza wa Jal, car cela fait partie du comportement dans le domaine du tawhid que de ne pas devancer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui a le mieux expliqué le tawhid. Alors l'auteur n'a pas voulu mettre une chose entre l'explication du tawhid par Allah et sa parole, ou bien et at-tawhid. La meilleure chose qui explique le tawhid, c'est le Coran, car le tawhid, c'est tawhidullah, et Allah est le meilleur à nous enseigner at-tawhid. Alors l'auteur a directement cité la parole d'Allah Azza wa Jal, puis les paroles du prophète sallallahu alayhi. Et cela nous rappelle la méthodologie de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans son recueil de hadith. Il a mis la basmala, puis le hadith de Omar ibn Khattab, innamal a'malu binniyat. Il n'a pas mis d'introduction. Ce qu'on a dit pour le Coran, c'est la même chose ici pour la sunnah. C'est un livre de hadith. Donc, le bon comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de ne pas le devancer. C'est un livre de sunnah, donc il a commencé par sahib sunnah, par mettre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh nous dit: وهذا من لطائف آثار التوحيد في القلب. Et cela, ce comportement qu'a eu l'auteur, rahimahullah ta'ala, est en fait un effet du tawhid dans le cœur du serviteur. Ce comportement, ne pas devancer la parole d'Allah, ne pas devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avoir fait attention à cela, est un effet subtil du tawhid dans le cœur du serviteur. Et on se rappelle la parole d'Allah Azza wa Jal ici: Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Wa fiqh al-mu'allif yadhharu fi عدة أمور. Et la grande intelligence de l'auteur dans cet épître, dans cet écrit, apparaît dans plusieurs choses. Cela apparaît dans le titre de ces chapitres, tout comme cela l'était pour l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Cela apparaît dans le choix des versets ensuite qu'il met sous ces chapitres. Et dans le choix des ahadith, il nous cite les versets et les ahadith indiquant le mieux ce qu'il veut nous faire comprendre dans ce titre. Donc il est très précis dans le choix de ces versets et de ces ahadith, comme on le verra. Puis, les masaïl qu'il a cités, la science qu'il a tirée des versets et des ahadith. Les savants ont grandement fait les éloges et longuement fait les éloges de ce livre. Tout comme ils ont fait les éloges de ce grand savant, rahimahullah ta'ala. Et parmi ceux qui nous montrent l'importance de ce livre, la grandeur de ce livre, après ces éloges, c'est les nombreuses explications qu'il y a. Nombreux sont les savants qui ont expliqué ce livre. Et le premier charh est le charh de son petit-fils. Le premier charh de Kitab al-Tawhid est le charh de son petit-fils Sulayman ibn Abdillah. Sulayman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, qui est connu sous le nom de At-Taysir, Taysir ou Al-Aziz al-Hamid. Ce dernier est décédé en l'an 1233 après la Hijra. Il est décédé avant d'avoir fini l'explication de ce livre. Il lui restait alors 7 chapitres. Il lui restait alors 7 chapitres. Il s'est arrêté au chapitre Bab Maja'a fi Munkir al-Qada, le chapitre de ceux qui ont rejeté le destin. Ensuite, il y a eu de nombreuses explications. Et un des et le plus répandu est le charh d'un autre de ses petits-fils, qui est donc le cousin de Sulayman, qui est le cousin de Sulayman. Cette explication se nomme Fathul Majid. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ce livre soit répandu et soit très connu. Donc Abdurrahman ibn Hassan, qui est un autre petit-fils de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, a pris At-Taysir, le livre de son cousin. Il l'a complété et l'a amélioré. Et ce dernier est décédé bien après, en l'an 1285. Puis il y a eu de nombreuses explications, comme l'explication de Cheikh Hamad Atiq, comme l'explication de Cheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, qawl As-Sadid, Hashiyatu Cheikh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah, qui est décédé en 1329. Et de nos jours, il y a des shuruhats très répandus, comme le charh d'Ibn Athaymi rahimahullah ta'ala, Al-Qawl al-Mufid, comme I'anatu al-Mustafid de Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala, comme At-Tamhid de Cheikh Salih al-Sheikh et d'autres. On voit que nombreux, très nombreux sont les savants qui ont fait la lecture de ce livre, l'explication de ce livre, ou bien des annotations sur ce livre. Tout cela pour vous dire quoi, chers frères? Que les savants ont donné énormément d'importance à ce livre. Et nous sommes derrière nos savants. Et on marche sur les pas de nos savants. Et ce que l'islam a considéré comme étant important, les savants l'ont considéré comme étant important, nous devons donc de considérer cela comme ayant la plus grande importance. Cheikh As-Sindi, hafidahullah ta'ala, un cheikh de Médine, nous dit même qu'Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, expliquait ce livre parfois, on lui lisait ce livre parfois, plus d'une fois par semaine. Subhanallah. Plus d'une fois par semaine, il donnait énormément d'importance. Et lorsqu'il le finissait, il le recommençait. Et au jour d'aujourd'hui, sur Salah al-Fawzan, on nous transmet, on nous informe qu'il enseigne ce livre. Et lorsqu'il finit ce livre, il le recommence. Lorsqu'il finit ce livre, il le recommence. Kullu hadha ihtimaman bi maqam at-tawhid. Tout cela pour valoriser et donner la plus grande considération au tawhid. Et l'auteur lui-même, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, avait cette qualité. cette motivation quant à la propagation du tawhid, à la considération du tawhid. Il enseignait sans cesse cette tawhid, le matin, le soir. Au point où certains de ses élèves, un jour, lui ont dit « Ya Sheikh, al-tawhid, qad fahimna. Al-tawhid, on l'a compris. » Tellement il le répétait, le répétait. Puis ils lui ont dit « Si on passait à une autre science. » Le Cheikh leur a dit, naam, on verra où, une parole semblable. Et un jour, il leur a dit, ou les a tenus informés d'une grande désobéissance qui a été commise dans tel endroit. Qu'un homme a commis l'adultère avec sa mère et qu'il faudra donc vérifier cela. Les gens ont dit « A'ouzou billah ». Quel grave péché. Plus tard, il leur a transmis un autre péché qui a eu lieu. Lequel? Un poulet a été égorgé pour autre qu'Allah. Alors ils ont dit « A'ouzou billah ». Mais leur réaction n'a pas été aussi ardente et vive que la réaction qu'ils ont eue lorsqu'ils ont entendu qu'un homme a commis l'adultère avec sa propre mère. Alors, il leur a rappelé le tawhid et leur a montré que le shirk est pire que le péché de commettre l'adultère, fût-ce même avec al-mahari. Puis il leur a dit, vous n'avez donc toujours pas compris le tawhid. Et à recommencer l'enseignement du tawhid. Si cela était valable pour les élèves de ce grand imam, que dire alors pour nous? Nous devons sans cesse nous rappeler le tawhid. Et si quelqu'un demande jusqu'à quand, on lui dira jusqu'à ce que tu aies posé tes deux pieds fi jannatillah. Jusqu'à ce que tu sois entré au paradis. Car même dans ta tombe, tu seras encore éprouvé avec al-tawhid. Tu seras questionné sur al-tawhid. Donc on ne faiblit pas. On reste ferme sur cette voie. On se cramponne au Coran, à la Sunna, à la voie des pieux prédécesseurs. On étudie al-tawhid. Et cette étude ne finit pas, inshallah ta'ala. Fasbiru. Donc soyez endurants. Et que la longueur de l'étude du livre ne nous décourage pas. Car certes, le chemin est long, mais le but c'est de rester ferme sur ce chemin et de ne pas s'égarer. Et qui sait si on restera vivant jusqu'à la fin du livre. Mais ce qui compte c'est de mourir sur al-tawhid. سورة التوحيد ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في دراسة هذا الكتاب وفي تدريسه وأن يسر لنا الصبر والاحتساب. التوحيد لفظ شرعي. التوحيد لفظون شرعي. Sachez, chers frères, que ce mot-là, التوحيد, l'unicité, est un mot qui est un mot religieux. Ce n'est pas un mot que les savants ont amené ou inventé, mais c'est un mot qui a été cité littéralement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses dérivés ont été cités dans plusieurs versets du Coran. Et on n'aurait pas pensé que viendra une époque, où on se retrouverait dans le besoin de détailler ce point-là. Car des ignorants, si on pense du bien, d'eux, ou des gens qui servent à qui veulent égarer la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on juge selon ce qu'on voit, essaye de distraire les gens du tawhid, de ce mot et de son étude, en disant que ce mot-là que vous répétez sans cesse n'est même pas cité dans les textes. Ce mot-là que vous citez dans les textes, jusqu'à quand vous allez en parler? Et ce genre de paroles, pire les unes que les autres. Alhamdulillah, cette ambiguïté a été réfutée par les savants, il y a de cela un grand moment. Et moi-même, lorsqu'Allah Azza wa Jal m'a facilité l'étude de ce livre, notre enseignant, Hafidhahullah Ta'ala, nous avait cité des preuves. Mais subhanallah, ces preuves ont été utiles, ou bien cette science m'a servi, il y a de cela que quelques mois, ou quelques semaines. Car jamais on n'a rencontré quelqu'un qui nous a dit que ce mot-là n'existait pas. Donc on n'a pas eu la nécessité de démontrer cela. Et voilà qu'on trouve, parmi des personnes, sur la langue de personnes, s'affiliant à la prédication, quelles sont ces paroles? Et que ce mot-là n'est pas un mot qui a été cité dans les textes. Wallahu musta'an. Il y a un frère, jazahullahu khayran, qui a réfuté cette ambiguïté, qui se nomme, si mes souvenirs sont bons, Abdurrahman, waffaqahullah, wa farihtu farahan shadidan lamma qara'tu risalata. Et je me suis réjoui lorsque j'ai trouvé ses écrits et sa jalousie pour l'unicité de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, fa'as'a Allah an yajziyahu khayran. Dans la sunnah, dans Sahih Muslim, le recueil de l'imam Muslim, selon Jabir, on trouve le mot at-tawhid. في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال جابر فأهل بالتوحيد il s'est mis en état de sacralisation par la formulation du tawhid فأهل بالتوحيد ce mot est donc venu dans Sahih Muslim. Quelle est la formulation du tawhid? At-talbiya. Labayk Allahumma labayk. Labayk la sharika laka labayk. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Akhraj al-Imam al-Tirmidhi aydan fi jami'ih. L'Imam al-Tirmidhi également nous cite un hadith de Jabir radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit une parole dans laquelle il y a le mot at-tawhid. يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُ فِيهَا حُمَمًا ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيَخْرُجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الحديث Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que des gens seront, ou bien que des gens de l'unicité, des gens du tawhid, seront châtiés en enfer. Jusqu'à carboniser. Puis ils seront rattrapés par une miséricorde. Ils sortiront donc du feu de l'enfer au point d'être ramenés aux portes du paradis. L'imam al-Tirmidhi nous dit « Hadithun hasanun sahih » et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit « Hadha hadithun sahih » « L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, dans son Musnad, nous cite un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné. Donc, an Amr ibn Shu'ayb, an Abi, an Jaddi, an Al-As ibn Wa'il, نذر في الجاهلية أن ينحر مئة بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة وأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد Donc, des gens dans la jahiliya, ou plutôt je vais lire les points en arabe, puis je les traduirai. Ou puis je prendrai la traduction du frère de Allahu Khair. Wa akhraja aydan, l'imam Ahmed fi musnadih, min hadith Abi Hurayrah radiallahu anha, anna Aisha radiallahu anha, qalat. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين قال فيذبح أحدهما عن أمته ممن أقر بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا أي أحمد رحمه الله في مسنده عن النبي طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد فلما حضر قال لأهله انظروا إذا أنا مت الحديث وفي نيات الحديث فغفر له بها ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد donc dans ces hadiths On trouve le mot tawhid prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dérivé de ce mot ont été cités dans le Coran également. Mais on commence par les hadiths. Donc dans le recueil de l'imam Muslim, dans le long hadith sur la description du hadith, le hadith Jabir, et le messager d'Allah est parmi nous, et le Coran descend sur lui, et il en connaît l'explication. Et il n'en a pas appliqué un seul enseignement sans que nous l'appliquions. Il rentra alors en état de sacralisation par la formulation ou par la formule du tawhid. Dans un second hadith, hadith de l'imam al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Des gens parmi les adeptes du tawhid seront châtiés en enfer jusqu'à ce qu'elles soient comme carbonisées. Puis la miséricorde les attendra. Elles en sortiront et seront poussées aux portes du paradis. » Dans un autre texte, apporté par l'imam Ahmed, et en chaîne d'autres, authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala d'après Amr ibn al-As d'après son père, d'après son grand-père al-As ibn Wa'il avait fait un serment pendant la période anti-islamique, la période de l'ignorance ce serment était de sacrifier 100 chameaux Hisham ibn al-As en sacrifia 50 au nom de son père Et Amr questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des 50 restants. Et il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant ton père, s'il avait reconnu être tawhid, alors le fait que tu jeûnes et que tu fasses des aumônes en sa faveur lui aurait été profitable. Dans le recueil d'Imam Ahmed toujours, hadith de Abu Huraira, dans lequel Aïcha radiallahu anha dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le sacrifice achetait de grands et gros béliers cornus, bigarrés, castrés. Il dit, et il égorgeait un des deux pour les membres de sa communauté qui reconnaissaient le tawhid, et l'autre pour Mohammed et sa famille, pour lui-même et sa famille. Dans le Mousnad de l'imam Ahmed toujours, selon Abu Huraira, il fut un homme parmi les générations qui vous ont précédé qui n'avait à son actif aucune œuvre de bien si ce n'est le tawhid. Lorsqu'il fut sur le point de mourir, il dit à sa famille, lorsque je mourrai, brûlez mon corps jusqu'à ce qu'il soit carbonisé, puis réduisez-le en cendres, et enfin éparpillez-les en un jour de vent. Le jour où il mourut, ils s'exécutèrent. Et alors qu'il se trouva empoigné par Allah, Allah lui dit, ô fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a conduit à faire cela? Il répondit, alors, ô Seigneur, ma peur de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, et c'est par cela qu'il lui pardonna. Alors qu'il n'avait comme œuvre à son actif que le tawhid. Que le tawhid. Dans le Coran, on trouve des dérivés du mot tawhid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah unique, l'unique, ou bien unique. Dans Surah Al-Isra, وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Et quand le Coran, quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, il tourne le dos par répulsion. Dans Surah Al-Zumar, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et quand Allah est mentionné seul, wahdahu, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Dans Surat Ghafir, ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَيُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Il en est ainsi car lorsqu'Allah était invoqué seul, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le très haut, le très grand. L'imam al-Baraoui, rahimahullah ta'ala, nous cite un athar d'Ibn Abbas, dans lequel Ibn Abbas dit, kullu أمر بالتوحيد كل أمر في كتاب الله بالعبادة فهو أمر بالتوحيد. À chaque fois qu'on trouve التوحيد dans le livre d'Allah, l'ordre du التوحيد dans le livre d'Allah, ben c'est un ordre de l'unicité d'Allah. On nous ordonne d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le livre Ma'alim al-Tanzil. Et on voit dans des livres de grands savants comme l'Imam al-Bukhari, Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid. Donc ce mot est connu chez les pieux prédécesseurs, a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses dérivés sont venus dans le Coran. Dans la parole des compagnons, dans la parole des plus prédécesseurs, comme l'imam al-Awza'i et d'autres, comme l'imam al-Shafi'i, et cela suffit pour prouver et démontrer, et pour qu'il ne subsiste plus aucun doute dans nos cœurs quant au fait que le mot tawhid est un mot shar'i. C'est un mot qui a été cité dans les textes religieux. Barakallahu fikum. Donc ne prêtez pas attention à ce genre de paroles. Et quelqu'un qui a des problèmes avec le tawhid, ou quelqu'un dont la poitrine ne se tranquillise pas à l'évocation du tawhid, non seulement on a peur pour lui de l'innovation, mais wallahi, on a peur pour lui que son cœur se détourne du tawhid et qu'il finisse avec une mauvaise foi. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق والثبات وحسن الخاتمة الله المستعان. التوحيد لغة من وحد يوحد إذا جعل الشيء واحدا واعتقاد وحدانية الشيء. التوحيد dans la langue arabe, c'est le fait de rendre une chose unique dans son état. التوحيد dans la langue arabe, c'est le fait de rendre une chose unique dans son état. Ou d'avoir comme croyance qu'une chose est unique dans son état. Ou d'avoir comme croyance qu'une chose est unique dans son état. كما قال ابن سعد رحمه الله تعالى سمي سوفينير صمبو. أما توحيد الله شرعا عرفه العلماء بأنه إفراد الله تعالى بما يختص به, إفراد الله تعالى بما يختص به. التوحيد dans la langue arabe, pardon, التوحيد dans la religion, c'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est propre, ou d'avoir la croyance qu'Allah est unique dans ce qui lui est propre. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوحيد se divise en trois parties. الربوبية, la seigneurie. الألوهية, le culte, la divinité. والأسماء والصفات, les noms et les attributs. Donc tu dois reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces trois choses. Tu dois reconnaître qu'Allah est unique dans sa seigneurie, unique dans la divinité, unique dans ses noms et ses attributs. توحيد الله في ربوبيته, إفراد الله في أفعاله في الخلق والرزق أو في الخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية, l'unicité d'Allah dans la seigneurie se définit comme étant le fait de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, c'est-à-dire unifier Allah Azza wa Jal dans ses actes envers ses créatures. Je dois reconnaître qu'Allah est unique dans ses actes envers ses créatures, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. Et le seul gérant. Donc tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, il le fait seul. Il le fait seul subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, ala lahu al-khalq wal-amr. N'est-ce pas à lui qu'est la création et l'ordre? Dans sourate Al-A'raf, Et dans sourate Fatir, هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض? Est-ce qu'il y a d'autres créateurs en dehors d'Allah qui vous donnent votre subsistance des cieux ou de la terre? Et Allah nous dit يدبر الأمر. Donc Allah est unique dans ses actions envers ses créatures. Tawhid al-Rububiyyah, c'est le fait que tu aies comme croyance que tout ce qu'Allah fait, il le fait seul. C'est le seul créateur. Il n'a pas d'associé dans cela. C'est le seul propriétaire. Il n'a pas d'associé dans cela. Et c'est le seul gérant et administrateur. Il n'a pas d'associé dans cela. Celui qui reconnaît ça et les parties composantes de ces points aura unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans la Seigneurie. Mais est-ce que ce tawhid est suffisant? Est-ce que c'est le tawhid demandé? Le tawhid qui te sauvera du feu de l'enfer et qui te fera entrer au paradis par la miséricorde d'Allah? Non, car Kuffar Quraysh ont reconnu ce tawhid là. Mais il n'est pas suffisant. Celui qui reconnaît Tawhid al-Rububiyya, yastalzimuhu an ya'ti bi an-naw' ath-thani min anwa' at-tawhid alladhi huwa tawhid al-uluhiyya. Après avoir reconnu qu'Allah Azza wa Jal était unique dans ses actions envers ses créatures, tu te dois maintenant de reconnaître qu'il est le seul à mériter entièrement toute l'adoration, ce qu'on appelle Tawhid al-uluhiyya. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. توحيد الألوهية c'est le fait d'unifier Allah عز وجل par nos actes d'adoration. Donc dans توحيد الربوبية on parlait des actions de qui envers qui? D'Allah envers nous. Dans توحيد الألوهية nous parlons des actions de qui envers qui? Des serviteurs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cela est clair? Alhamdulillah. Allah nous dit Ala lillahi ad-dinul khalis. Il nous dit également Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum wa kama yaqulu rabbuna wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Allah nous dit il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah, et cela d'un culte exclusif. Il nous dit également, n'est-ce pas Allah qu'appartient la religion pure? Dans un autre verset, ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Et on a cité la parole d'Ibn Abbas, qui dit que tout ordre de l'adoration dans le Coran est un ordre du Tawhid. Et c'est cela même le sens de La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée, si ce n'est Allah. Après cela, Tawhid, Allah fil asma et wa sifat, unifie Allah dans ses noms et ses attributs. Wa huwa ithbatu ma athbat Allah li nafsi. في كتاب الكريم أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة ونفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتاب الكريم أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs se concrétise en affirmant tous les noms et attributs qu'Allah azza wa jal s'est affirmé dans le Coran à lui-même où lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et rejeter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rejeté, ou a rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, c'est-à-dire les défauts et les manquements. Tu dois donc affirmer ce qu'Allah a affirmé ou a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et rejeter ce qu'Allah a rejeté ou a rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu affirmes sans faire ressembler Allah azza wa jalla à ses créatures, ni altérer le sens. Et tu rejettes ce qui a été rejeté sans rejeter ce qui a été affirmé, ni altérer le sens. Allah nous dit dans le Coran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui lui soit semblable, c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Il nous dit également dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-les donc avec. Et nous dit, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Et à lui appartient les meilleurs attributs. Donc voici la définition du tawhid, ainsi que ses trois parties. وَضِدُّ التَّوْحِيدِ الشِّرْكِ. Le contraire du tawhid est le polythéisme. Ces notions que je vous donne vous serviront tout au long du livre. Il vous faut donc les noter, les comprendre et les mémoriser. Si cela n'a pas déjà été fait, car ceux qui ont assisté à l'Usul Thalatha et les autres cours sont censés avoir depuis longtemps mémorisé cela. Idhan dit du tawhid al-shirk. Le contraire du tawhid est al-shirk, le polythéisme. Le polythéisme. وهذه المادة تدل على المشاركة بين شيئين. Ce mot-là, الشرك, nous indique l'association entre deux choses. والنصيب est la part, une part d'une chose. Par exemple, deux personnes s'associent dans un commerce et investissent dans un commerce. Un tel aura 40% des parts et l'autre aura 60% des parts. Voici une association. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans l'histoire de Moussa, que Moussa a demandé à Allah azza wa jal de joindre, d'associer Harun dans sa mission. Et a dit, وَجَعَلِّي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. Associe-le dans ma mission, dans surat Taha. Ici, c'est le shirk dans la langue arabe. C'est l'association dans la langue arabe. Al-shirk huwa taswiyatu ghayri Allah billah fima huwa min khasa'isillah. Taswiyatu ghayri Allah billah fima huwa min khasa'isillah. Al-shirk est le fait de donner un égal à Allah dans une chose qui lui est propre. Al-shirk est le fait de donner un égal à Allah dans une chose qui lui est propre. On a vu que ce qui lui était propre était al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma, al-sifat. Donc celui qui prétend qu'il y a un créateur avec Allah aura fait du shirk dans rububiyya. Celui qui donne une adoration à un autre qu'Allah aura fait du shirk dans quel domaine? Al-uluhiyya. Et celui qui accorde une perfection qu'Allah a à un autre qu'Allah azza wa jal, comme Allah le possède, aura associé Allah azza wa jal dans quoi? Al-asma wa sifat. Dans al-asma wa sifat. Et dans ce livre, avant cela, al-shirk yanqasimu ila qismayn. Al-shirk al-akbar wa al-shirk al-asghar. Le polythéisme se divise en deux. Le polythéisme majeur, le grand polythéisme, l'association majeure, wa al-shirk al-asghar, le polythéisme mineur. le polythéisme mineur. الشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. Le polythéisme majeur se définit comme ceci. C'est tout polythéisme ayant été cité dans les textes entraînant l'exclusion de la personne de l'islam. Tout polythéisme qui a été cité dans les textes ayant pour conséquence l'exclusion de la personne de l'islam. الشرك الأصغر كل شرك أطلقه الشارع ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دين ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دين. Le polythéisme mineur est tout polythéisme ayant été cité dans les textes mais n'entraînant pas l'exclusion de la personne de l'islam. Mais n'entraînant pas n'ayant pas pour conséquence l'exclusion de la personne de l'islam. Parmi les exemples de polythéisme majeur, le fait de dire qu'il y a d'autres ou qu'il y a autre qu'Allah Azza wa Jal pouvant donner la vie et la mort ou la subsistance. Parmi les exemples de polythéisme majeur, le fait de donner l'adoration à un autre qu'Allah, de prier pour un autre qu'Allah, d'égorger une bête au nom d'un autre qu'Allah ou pour un autre qu'Allah. Le fait d'invoquer des morts. Le fait de demander à des morts. Ou le fait d'avoir peur d'un autre qu'Allah comme on a peur d'Allah. Ou le fait de donner à des choses des noms d'Allah puis de les adorer en dehors d'Allah. Comme on fait Kufar Quraysh avec Al-Lat, Al-Uzza. Le fait de prétendre qu'il y a d'autres divinités méritant l'adoration avec Allah, tout cela fait partie du polythéisme majeur. Parmi les exemples de polythéisme mineur, le fait de jurer par un autre qu'Allah, sans avoir immensifié cet autre comme on immensifie Allah. Le fait de porter une main de Fatma, ou l'œil, ou des talismans, des porte-bonheur, des gris-gris. En ayant comme croyance que ces choses-là sont des causes pour qu'Allah nous aide à atteindre notre but. Cela fait partie du polythéisme mineur à la base. Al-shirk al-akbar yunafi asl al-tawhid. Le polythéisme majeur annule la base du tawhid et a pour conséquence l'annulation de l'ensemble des actions. A pour conséquence que la personne sort de l'islam. A pour conséquence, si elle meurt sur cela, de s'éterniser en enfer. C'est le pire péché par lequel Allah Azza wa Jal fut désobé. Et il n'y a pas de divergence sur le fait que ce péché n'est pas pardonné si ce n'est avec le repentir. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله nous dit, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu nous donnes des associés, nous annulerons toutes tes œuvres. Dans l'autre verset, et s'ils nous avaient donné des associés, nous aurions annulé ce qu'ils avaient fait. Allah nous dit également, Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui ? En dessous de cela, il pardonne à qui ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Celui qui meurt en invoquant un autre qu'Allah entre en enfer. Et lorsqu'il fut questionné: Ayyu dhanbin a'zam? Quel est le pire péché? Il a répondu: An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Le pire péché, c'est le fait que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Il nous dit également: Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Qila wa ma hunna ya Rasulallah? Qala ash-shirk billah wa as-sihr al-hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Éloignez-vous des sept péchés qui causent la perte du serviteur. Il lui fut dit: Lesquels, au messager d'Allah? Il répondit: Alors, le polythéisme, la sorcellerie. Et il a cité ensuite cinq autres choses. Concernant Ash-Shirk al-Asghar, le polythéisme mineur, il a pour conséquence d'annuler l'action commise. Pas toutes les actions, mais l'action commise. Il a pour conséquence de faire diminuer le tawhid de la personne, la foi de la personne, mais sans l'annuler. Sans l'annuler. Parmi les formes de Shirk Asghar, Riya, Yassir Riya, l'ostentation. Le fait de faire un acte d'adoration puis de l'embellir afin d'avoir les éloges des gens. La personne fait cela pour Allah, mais il embellit son action suite au regard qui se pose sur lui. Donc celui qui fait ça aura annulé son action s'il ne repousse pas cette ostentation. Allah la afwa wa la afi. Voici les notions qu'il y avait à connaître avant d'entamer l'explication du livre. Donc demain, après Salat al-Maghrib, inshallah ta'ala, commencera l'explication du premier verset. As'Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yassira lana al-umura kullaha wa yuwaffiqana ila kulli khayr. أسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع لنا ولكم والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.